Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, comment allez-vous? Bien, j'espère. Et aujourd'hui, eh bien, on va ouvrir l'émission avec un compositeur qui n'est pas très connu, mais quand même, il y a eu pas mal de disques réalisés autour de son œuvre. C'est Joseph Martin Krauss. Pas mal de disques réalisés ces dernières années, hein, où on enregistre un petit peu des compositeurs oubliés pour sortir des sentiers battus, comme on dit. Alors, ce Joseph Martin Krauss, il était allemand, mais il est presque considéré comme un Suédois parce qu'il a beaucoup travaillé, vécu en Suède, pour la cour de Suède du roi Gustave III, qui devait d'ailleurs mourir assassiné lors d'un bal masqué, ce qui va donner un opéra chez Verdi. Et ce Krauss, eh bien, il a quasiment les mêmes dates que Mozart. Il est même mort, il est né la même année, en 1756, et il est mort un an après Mozart. Alors, c'est un compositeur qui a un peu composé dans tous les genres, et en particulier dans la symphonie. Il a laissé de très belles symphonies. En voici un extrait, la symphonie en ut majeur, magnifique, avec un poco andante, plutôt un allegro, interprété par l'orchestre de chambre suédois que dirige Peter Sundqvist. Un extrait de la symphonie en ut majeur de Joseph Martin Krauss, interprété par l'orchestre de chambre suédois, dirigé par Peter Sundqvist. Et on continue avec Bellini, l'un des maîtres de l'opéra, du bel canto Bellini, mais qui a aussi laissé de nombreuses mélodies. Bellini, qui est mort à l'âge de 34 ans seulement, des suites d'une dysenterie. Il habitait plutôt, bah oui, parce qu'il s'était installé à Paris, parce qu'il avait eu quelques déboires en Italie. Nos opéras donnés à Venise avaient été plus ou moins un échec. On lui avait dit, ben, Par en Italie, en France, peut-être que tu auras beaucoup plus de succès. Et c'est donc dans notre capitale, à Paris, qu'il est mort. Il est enterré d'ailleurs au Père Lachaise. Voici une mélodie de Vincenzo Bellini, je vais dire le titre en français, hein. Accorde le bonheur, c'est chanté par Rolando Villason. Une mélodie de Vincenzo Bellini, je vais essayer de le dire en italien, hein, « Marendi pur contento ». Pas sûr que ce soit très bon, en tout cas ça veut dire, la traduction française c'est « Accorde-moi le bonheur ». Et c'était chanté par Rolando Villason qui lui nous accorde toujours beaucoup de bonheur avec sa voix. Et l'orchestre du mai musical florentin était dirigé par Marco Armiliato. Alors quand je passe du Bellini, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, j'ai tout de suite envie de passer du Chopin. Bah oui, parce que c'est étonnant, mais ces deux compositeurs qui ont écrit des œuvres qui n'ont rien à voir, hein, eh bien se sont très appréciés, connus, et donc deux exilés à Paris, l'un italien, l'autre polonais. Et c'est vrai que Chopin admirait beaucoup les lignes mélodiques de Bellini, alors il s'en est parfois inspiré dans ses propres œuvres pour piano. On va écouter l'une des polonaises de Chopin, mais c'est pas l'une des plus célèbres. D'ailleurs, elle a été publiée après la mort du compositeur. Voici la polonaise opus posthume de Chopin, jouée par Vladimir Ashkenazy. Thank you. Polonaise, opus posthume de Frédéric Chopin, joué par Vladimir Ashkenazy. Et vous écoutez Radio Fadjet Nancy, c'est votre magazine discothèque classique le samedi et le dimanche de 11h à midi. Et si on enchaînait avec un peu de musique baroque, Antonio Caldara, moi j'aime beaucoup ce compositeur, c'est un compositeur vénitien contemporain de Vivaldi. Lui aussi fut beaucoup plus connu que Vivaldi en son temps, je dis lui aussi parce que dans l'émission d'hier, j'ai évoqué Galuppi, qui avait une notoriété plus importante que celle de Vivaldi, bah Caldara aussi. Et Caldara, on a beaucoup enregistré ces dernières années sa musique sacrée, un peu moins ses opéras, et pourtant ce fut en son temps un fameux compositeur d'opéra. On va écouter un extrait d'un opéra qui s'appelle Adriano in Syria, Adrien en Syrie, on va traduire ça comme ça, chanté par le contre-ténor Max-Emmanuel Chenchik. Il est entouré de l'ensemble Il Pomodoro, que dirige Riccardo Minasi. Thank you. La voix magnifique de Max Emmanuel Chenchik dans cet air tiré de l'opéra Adriano in Siria d'Antonio Caldara, et puis l'ensemble Il Pomodoro dirigé par Riccardo Minasi. Alors s'il y a bien un compositeur qui adorait l'Italie, qui y est allé souvent, c'est bien Tchaïkovski, Piotr Ilitch Tchaïkovski, le russe, qui s'est passionné pour ce pays, et il adorait aussi donc la musique italienne, et il avait une passion pour Mozart, Tchaïkovski. Il faut découvrir d'ailleurs les écrits de Tchaïkovski réunis par le grand musicologue André Lischke pour les éditions Fayard, parce qu'on y découvre un Tchaïkovski qui a une fascination réelle pour Mozart, en particulier pour Don Giovanni, mais une certaine aversion pour la musique de Beethoven, que apparemment il ne comprenait pas, il n'aimait pas. Enfin bref, donc... Quand même, Tchaïkovski a voulu rendre hommage à Mozart à travers deux œuvres d'ailleurs, une suite Mozartiana, inspirée de différents thèmes de Mozart, et puis quand même sa sérénade pour cordes, qui évoque évidemment les sérénades du XVIIIe siècle, peut-être un peu la petite musique de nuit. Voici la valse de cette sérénade pour cordes composée en 1880, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York que dirige Leonard Bernstein. Thank you. La valse de la sérénade pour cordes de Tchaïkovski avec les cordes du Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Alors si vous avez écouté l'émission d'hier, samedi, ben, j'ai passé en tout début d'émission un extrait de la symphonie italienne de Mendelssohn, la quatrième, l'une des œuvres les plus célèbres de ce compositeur, qui a laissé beaucoup d'œuvres très célèbres. Et bien voici maintenant une partition beaucoup plus rare, presque une rareté d'ailleurs je dirais, la sonate pour clarinette et piano. Alors ça, c'est une œuvre qu'il a composée alors qu'il avait 15 ans, Mendelssohn, et peut-être à destination du fameux clarinettiste Heinrich Berman. Eh oui, celui qui avait déjà inspiré à Weber des concertos et puis un quintet. Alors peut-être que Mendelssohn s'est dit « je vais lui écrire une pièce », comme il était déjà très connu, ce clarinettiste, eh bien ça, cette œuvre va circuler. En tout cas, on a peu d'informations sur le contexte de création de cette sonate de composition. On va quand même en écouter un extrait, parce que je trouve que c'est une œuvre très fraîche, très agréable, avec le clarinettiste Paul Meyer et puis le pianiste Éric Lesage. Thank you. deux interprètes vraiment en osmose, hein, je trouve. Paul Meyer à la clarinette et Eric Lesage au piano, sonate pour clarinette et piano de Félix Mendelssohn. Et on continue notre émission discothèque classique comme tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet avec un disque dont j'ai déjà parlé hier, un disque alpha double compact qui nous propose les premières symphonies de grands compositeurs, Bizet, Gounod, Saint-Saëns. Hier, je vous ai proposé un extrait de la symphonie de Gounod. Eh bien, voici un extrait de la symphonie en La majeur de Saint-Saëns, qui n'est pas répertorié dans son catalogue officiel, parce que Saint-Saëns l'a considéré un peu comme un travail d'étude. Alors, Saint-Saëns, 1835-1921, c'est vraiment un des compositeurs les plus importants, je trouve, du 19e siècle. On ne l'a pas si souvent dit. Maintenant, on le reconnaît de plus en plus. La jeune génération musicale s'intéresse beaucoup à Saint-Saëns. Il avait été élevé par sa tante et sa mère, puisqu'il avait été orphelin à quelques mois de son père. Et c'est vraiment un enfant précoce, un génie. On dit déjà que quand il était enfant, quand il avait 3-4 ans, il faisait des grimaces quand il entendait des bruits qui ne lui convenaient pas, des bruits désagréables. Et évidemment, il fera un peu la même chose quelques 70 ans plus tard, lorsqu'il entendra le Sacre du printemps de Stravinsky, mais aussi auparavant Debussy. Il a eu beaucoup de mal, Saint-Saëns, à suivre l'évolution du cours de la musique. Voici un extrait de cette œuvre de jeunesse, symphonie en La, que l'on va écouter interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que dirige Kazuki Yamada. Thank you. C'est très bien tout ça, pourquoi Saint-Saëns n'a pas voulu inclure cette symphonie dans son catalogue officiel? C'était la symphonie en la, on va dire ça simplement comme ça, parce qu'il n'y a pas de numéro d'opus, joué par l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Kazuki Yamada, un double CD qui vient de paraître chez Alpha Classics. Et on continue notre émission avec une autre nouveauté du label Solo Musica, qui nous propose des airs d'opéra chantés par Shira Pachornik, très très belle soprano, ça s'appelle Bella Furia, et ce sont des raretés qui ont été réunies pour ce disque. On va écouter un air tiré d'un opéra de Niccolo Piccini. Alors celui-là, je le passe pas souvent, c'est vrai. J'ai peu d'enregistrements d'opéra de ce compositeur qui pourtant a eu une très très grande notoriété. Il est né en 1728, il est mort en 1800, et on le connaît pour l'histoire de la querelle des bouffons qui a eu lieu à Paris entre les tenants de l'opéra italien qu'il représentait et l'opéra allemand Gluck qui voulait moderniser un petit peu l'opéra. Piccini, il était napolitain, ça nous change des Vénitiens, encore que il est passé par Venise à la fin de sa vie quand même. Allez, on écoute un extrait de l'un de ses opéras, La Bella Ragazza, ça c'est pas trop difficile à traduire, La Belle Fille, chantée par cette merveilleuse chanteuse Shira Pachornik. Elle est entourée de l'ensemble Charts. Oh, Un air tiré de l'opéra La Bella Ragazza de Niccolò Piccini, interprété par donc une soprano que j'aime beaucoup, Shira Pacornik, un nom à retenir, hein. Et puis l'ensemble Charts l'entourait. On va écouter la cinquième de Beethoven maintenant. Bah oui, parce que j'aime bien la passer régulièrement. Tout le monde aimerait entendre le pom pom pom pom. Hein. Et si vous avez écouté l'émission d'hier, qui est toujours, cette émission aujourd'hui est toujours la continuité de celle du samedi, bon, bah, j'ai passé la 7e symphonie dirigée par Carlos Kleiber, chef essentiel hein, du XXe siècle, né en 1930 en Allemagne, mort en 2004. Et ce qui est intéressant chez Carlos Kleiber, c'est que tous ses enregistrements sont vénérés par les mélomanes avertis, parce qu'il a très peu enregistré Carlos Kleiber en définitif. Il était l'anti-Karajan. Il avait été pressenti d'ailleurs pour prendre la succession de Karajan à l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ça aurait été possible puisque l'orchestre avait un contrat avec Deutsche Grammophon et il fallait que le successeur de Karajan soit un musicien sous écurie le Deutsche Grammophon, mais il a refusé parce que le répertoire que jouait l'orchestre de Berlin ne lui convenait pas. Et c'est vrai que Carlos Kleiber a très très peu enregistré l'anti-intégrale, par exemple, il n'a pas enregistré d'intégrale des symphonies de Beethoven, pas à ma connaissance. Si on trouve certains enregistrements de symphonie, bien souvent, ce sont des enregistrements pirates qui ont été édités par la suite. Bref, un chef d'orchestre vraiment intéressant, mais qui a peu enregistré de disques. Il a grandi en Argentine parce que son père, Eric Kleiber, fameux chef d'orchestre, avait fui l'Allemagne nazie, non pas parce qu'il était juif, mais parce qu'il était en désaccord avec la politique hitlérienne et que même sur le plan musical, ça ne lui convenait plus du tout. Donc il s'est réfugié en Argentine, c'est là, dans ce pays, que le jeune Carlos a fait son éducation musicale. On va écouter un peu de Beethoven, donc la 5e symphonie, dirigée par ce grand maître en 1975 à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Thank you. enregistrement de légende de cette cinquième de Beethoven en 1975 avec Carlos Kleiber à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et Chopin, bah, tout à l'heure on a écouté une polonaise, opus posthume, voici la polonaise opus 40 numéro 1, vous allez reconnaître, c'est une des plus célèbres, jouée par Vladimir Ashkenazy. Thank you. plus célèbre polonaise de Frédéric Chopin, polonaise opus 40, parfois surnommée militaire, parce qu'elle a un côté un peu martial, mais enfin bon, je trouve que c'est pas très guerrier en tout cas. Magnifique interprétation avec Vladimir Ashkenazy, pianiste et chef d'orchestre d'origine russe, mais devenu islandais. Bon, par son mariage en tout cas. On va terminer l'émission avec Mozart et l'enlèvement au sérail, un Singspiel en trois actes de 1782. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Singspiel? Eh bien, c'est un opéra en allemand. Bah, c'était pas évident à l'époque parce que, évidemment, c'était l'italien que les gens attendaient. Les gens adoraient l'italien dans l'opéra. On disait que l'allemand, c'était un petit peu rugueux. Et un Singspiel, eh bien, c'est une œuvre où alterne des dialogues parlés et chantés. Là, c'est une œuvre qui se passe chez les Turcs, en quelque sorte. On sait que la mode de l'Empire ottoman était très, très répandue dans la Vienne à l'époque de Mozart. Beaucoup de compositeurs se sont inspirés de la musique des janissaires, les soldats turcs, dans leur orchestration. On va écouter un peu de cet opéra de Mozart. L'un des chœurs interprété par le chœur et orchestre de la radio slovaque que dirige Johannes Wilner. Le chœur final de l'enlèvement au sérail de Mozart avec le chœur et orchestre de la radio slovaque à direction Johannes Wilner. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve, vous le savez, la semaine prochaine, samedi et dimanche de 11h à midi pour de nouvelles émissions de Discothèque Classique. Bonne semaine à toutes et à tous. D'abord, bon dimanche et je vous dis à très très bientôt, j'espère.